M'Roubaix, bienvenue dans ma ville, où les petits tuent au shit et la weed. Comme Jules, ça veut sortir le cross-volé. De ma douce biche, ça va cambrioler. Toi, tu l'aimais, elle t'a quitté. T'es pas le con, repense au bébé. T'as fait des lovés, tu t'es fait péter. Il t'a balancé, il s'est fait acquitter. T'as fait du placard, t'étais tout seul. Aujourd'hui, t'es sorti, oui, oui, t'as le seum. Et tes potos, ils étaient où? Il s'est fait mal, je sais que ça dégoûte. T'as une revanche à prendre contre la vie. Pèse-les tous si tu veux mon avis. Et je crache ma peine comme un boulimie. La musique, mon sang m'a rendu anémie. C'est que ça tape, faut que ça tourne. Clamant, il faut que ça tombe. J'sais à quoi m'attendre. Fils d'homme critique, il creuse sa tombe. Pas de pacte avec Satan, ça joue avec mes nerfs, ça commence à m'atteindre. J'commence à peine, dehors c'est chaud, dedans c'est chacun sa peine. Robé DH, tu me fais la biche, j'sais pas comment tu t'appelles. La pointe à Roubaix, sur grand-père, je n'ai rien à prouver. Braquage, tu les pions tout fait. Les Schmitt sont sur eux, ils veulent les soulever. Jolie, mets le son à fond dans le bolide. Lève les mains, fais comme les compètes. Et on se la pète, on